Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107FM. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Nous allons parler aujourd'hui de la cinquième partie du cinéma comique français en parlant des années 2000 qui constitue la transition dans le cinéma comique français dans lequel nous allons trouver des sous-parties et si le temps nous le permet, nous parlerons de ce qui se passe à partir des années 2010. Commençons donc tout de suite par parler des années 2000 qui constituent la transition dans le cinéma comique français. Durant les années 2000, une transition qui a commencé à partir des années 90 s'opère. La génération du Splendide et d'autres acteurs découverts dans les années 70 qui a couvert le paysage cinématographique français les deux décennies suivantes tendent à laisser la place à de nouveaux entrants comme Danny Boone, Jamel Debbouze, formé pour certains d'entre eux au Déclic Théâtre de Trappes, Omar Sy qui se font connaître par la création de sketchs et de spectacles solo. Le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, a réuni les deux générations d'acteurs avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Alain Chabat, Zinedine Soualem, Omar Efred ou encore Dieudonné. Ce film a eu beaucoup de succès. Les films Podium avec Benoît Poulvord et Jean-Paul Rouve et Bienvenue chez les Ch'tis avec Kad Merad et Danny Boone vont également devenir de très grands succès populaires. Danny Boone se fait connaître dans les années 2000 avec les films La Doublure, La Maison du Bonheur, Mon Meilleur Ami et surtout Bienvenue chez les Ch'tis qui va détrôner le célèbre film La Grande Vadrouille en tant que plus grand succès du cinéma français depuis 42 ans. Benoît Poulvord se fait connaître en 2004 dans le film Podium pour son interprétation de Bernard Frédéric. Le film raconte la folie d'un homme pour un chanteur. Omar Sy, dans le film Nos Jours Heureux, interprète un animateur de colo qui apaise l'atmosphère par l'humour et le charisme. Passons maintenant à la première sous-partie, intitulée « L'ancienne génération d'acteurs se recycle et continue le succès ». Génération du baby-boom ayant commencé à jouer majoritairement dans les années 70. Francis Weber réalise de nouveaux films à triomphe sur le personnage de François Pignon. Ces films sont « La doublure » avec Gad Elmaleh dans le rôle de François Pignon et « Le placard » avec Daniel Auteuil dans le rôle de François Pignon. Au fil du temps, certains acteurs de l'ancienne génération, entre guillemets, auxquels était rattaché un type précis de personnage ou une façon de jouer, ont fini par se débarrasser et quitter ce genre de rôle, ou au contraire, y rester dedans. Daniel Auteuil. Il accède à la notoriété en 1980 dans Les Sous-doués pour son interprétation d'un lycéen flemmard, dragueur et peu studieux qui fait presque 4 millions d'entrées au box-office en France. Bien que Daniel Auteuil soit un acteur polyvalent, il a joué dans diverses comédies. En effet, après avoir joué le rôle de personnage rusé dans les années 70 et 80, comme dans Les Sous-doués ou encore dans Pour 100 briques, t'as plus rien, il jouera des rôles plus sombres dans les films des années 90 et 2000, comme Le Placard, La Doublure, Mon Meilleur Ami ou encore L'Invité. Il est nommé meilleur acteur du Festival International du Film de Shanghai pour le film Le Placard. Josiane Balasko. Josiane Balasko impose à l'écran un personnage de femme ordinaire à qui il arrive des choses extraordinaires, comme elle le révèle à la revue Studio. Son personnage, hérité du personnage de Nathalie Morin dans Les Bronzés des années 70, passe de celui de celle, ayant un complexe lié au physique peu avantageux dans les années 80, comme dans Les Hommes préfèrent les grosses ou encore dans Nuit d'ivresse, à celui de celle qui assume sa personnalité dans les années 90, comme dans Gazon maudit. Dans les années 2000, son personnage passe de celui de la femme forte de caractère et méchante, comme le personnage de Lulu dans le film Un crime au paradis, en tant que mégère acariâtre et alcoolique, le personnage de Rose dans le film L'Auberge rouge, en tant que femme assassin, à celui de recluse, sensible et romantique, comme dans le film Le Hérisson. Elle reçoit le César d'honneur en tant qu'actrice, scénariste, réalisatrice et productrice dans les années 2000. Michel Blanc. Le personnage de maladroit et malchanceux, hérité du personnage de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, puis d'autres rôles qui ont marqué les années 70 comme Les Bronzés font du ski et 1980 comme Viens chez moi, j'habite chez une copine, Ma femme s'appelle Reviens, Circuler, y'a rien à voir ou encore Marche à l'ombre, rattaché à Michel Blanc, a fini par être plus complexe à la fin des années 80, comme dans le film Tenue de soirée, puis quitté par l'acteur dans les années 90. La moustache rasée, il s'est petit à petit débarrassé de cette peau pour adopter un personnage d'agriculteur grincheux, sensible, romantique et attendrissant dans Je vous trouve très beau, qui lui a valu une nomination au César du meilleur acteur en 2007 et un accueil très favorable du public. Marianne Chazelle. Marianne Chazelle, membre du Splendide, se fait connaître dans Les Bronzés pour son rôle de Gigi, une jeune femme un peu naïve qui cherche l'amour. Ainsi, des années 70 aux années 90, Marianne Chazelle interprète le rôle d'une femme naïve et exubérante, comme dans les films Les Bronzés font du ski ou encore Les Baba Cool. Puis en tant que personnage SDF dans Le Père Noël est une ordure, Les Visiteurs et Les Couloirs du Temps, Les Visiteurs 2. Enfin, dans les années 90, son personnage se métamorphose en celui de mère de famille bourgeoise dans deux comédies de Janos Varck, La Vengeance d'une Blonde et Les Sœurs Soleil. Dans les années 2010, elle rejouera le rôle de mère de famille bourgeoise dans les reprises de films de Marcel Pagnol par Daniel Auteuil. Gérard Depardieu. Gérard Depardieu est un acteur polyvalent qui a joué dans plus de 150 films et qui est le deuxième acteur français ayant cumulé le plus d'entrées en France derrière Louis de Funès, et dans lequel, parmi ses 10 plus grands succès au box-office, 7 sont des comédies avec un résultat supérieur à 5 millions d'entrées au box-office. Dans le domaine des films de comédie des années 70 et 80, Gérard Depardieu impose à l'écran un personnage de voyou, comme dans Le Viager, Les Valseuses ou encore Tenue de soirée. Il impose également un personnage dominant et de fort caractère dans les films La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Après s'être orienté vers des films historiques, dramatiques, il renoue avec la comédie en jouant des rôles plus sensibles à la fin des années 90 dans Les Anges Gardiens, Le Plus Beau Métier du Monde ou encore dans Le Placard. Enfin, il reçoit plusieurs récompenses et nominations aux César et Oscars au cours de sa carrière. Gérard Jugnot. Gérard Jugnot impose à l'écran un personnage de français ordinaire à partir du film Les Bronzés. Son personnage est passé de celui de râleur égoïste, Bernard Morin, dans Les Bronzés et Les Bronzés font du ski. Un personnage violent, comme celui de Félix dans Le Père Noël est une ordure, celui de Ramirez dans Papy fait de la résistance dans les années 70 et 80, à celui de calme et posé dans les années 2000, comme dans Monsieur Batignolles ou dans Les Choristes. De plus, il remporte un vif succès avec le film Les Choristes en 2005, dans lequel il joue le rôle du professeur de musique. Valérie Lemercier. Valérie Lemercier, révélée par la scène et notamment le spectacle solo, puis par la télévision, avec la série Palace, est cantonnée à ses débuts au rôle de bourgeoise, registre dans lequel elle excelle principalement dans son rôle de Béatrice de Montmirail dans Les Visiteurs, pour lequel elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1994. Elle se débarrasse petit à petit de ce rôle dans les années 2000. Dans des films de société comme Palais Royal, Agathe Cléry, Neuilly sa mère ou encore Fauteuil d'orchestre, pour lequel elle reçoit, encore une fois, le César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2007. Danielle Prévost. Habituée des émissions comiques de la télévision dans les années 60 à 70, Danielle Prévost s'impose au cinéma à partir des années 90. Il interprète au cinéma le rôle d'un homme intelligent et opportuniste, voire fourbe et arnaqueur, quel que soit le métier dans lequel il travaille. Dans les années 90, il jouait dans Le Dîner de cons et Les Insaisissables en tant que contrôleur des impôts. Dans Astérix et Obélix contre César, il joue le rôle d'un faux devin. Dans La Vérité si je mens 2, il joue le rôle d'un patron dans la grande distribution. Dans les années 2000, dans Un crime au paradis, il joue le rôle d'un avocat. Dans La Maison du Bonheur, il joue le rôle d'un agent immobilier. Et dans Lucky Luke, version de 2009, il joue le rôle d'un joueur de poker. Pour son interprétation de l'inspecteur des impôts dans Le Dîner de cons, il a reçu le César du meilleur second rôle en 1998. C'est ainsi que se termine cette cinquième partie sur le cinéma comique français. Dans la sixième partie, que vous entendrez la semaine prochaine, nous parlerons des autres sous-parties ainsi de ce qui se passe à partir des années 2000. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet www.radiogamozo.eu, tout attaché, sans accent et avec un T à la fin de Mozo. Et comme d'habitude, je vous invite à nous partager votre avis sur ce nouveau numéro de La Crise du Cinéma sur notre page Facebook Radio Gamozo, en nous appelant au 03 29 62 40 40, ou encore à venir nous rendre visite à la radio située à l'adresse 8, place de l'Hôtel de Ville, à Saint-Étienne-Miremont. Nous serions bien entendu ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. En attendant, moi je vous laisse ici, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous.